Le torrent d'écume par Daniel Le Sueur. Le lac de Côme dort dans l'ombre. Une paix vraiment divine plane sur le paysage, dont la nuit la plus profonde n'arrive pas à voiler la beauté. Cette soirée de septembre, bien que sans lune, enveloppe les choses d'une obscurité translucide, aussi douce qu'est la suave atmosphère tout en tiédeur et en parfum. Un peu trop molle, peut-être. Là-bas, contre les cimes élégantes dressées à l'ouest, vers Lugano, des vapeurs s'amassent. L'orage vient vite sur le lac de Côme. Un coup de vent suffit à décrocher des grandes Alpes voisines et les outres gonflées des nuages. Et le ruis dans l'air chaud des vallées italiennes fait fulminer l'électricité et crépiter la grêle. L'homme qui suivait la route déserte, un peu au-dessus de la rive, ne songeait guère aux menaces d'orage. La grâce nocturne ne le touchait pas non plus, sinon par la suggestion tendrement voluptueuse qu'elle insinuait en son cœur, et qui s'accordait si bien avec ses sentiments. Jacques Ferneuil était amoureux. Mais non pas de ces êtres privilégiés du destin qui viennent goûter l'ivresse du rêve à deux, dans ce pays où l'amour semble la respiration même des verdures éternelles, des fleurs et des eaux. Il aimait, et il marchait seul par ce soir délicieux. Il aimait, et il ignorait s'il était aimé. Il aimait, et il n'osait souhaiter de faire partager sa passion, car le vœu même lui semblait criminel et trop redoutable pour la créature innocente dont il ne pouvait détacher sa pensée. Il allait de Varena vers Fiumlat, le plus humble peut-être de ces pittoresques villages qui s'épanouissent partout où la montagne a laissé quelque espace entre sa rude muraille et le lac. Fiumlat est un nom caractéristique. C'est la contraction de Fiume del Latte, fleuve de lait. Une cascade intermittente, haute de 300 mètres, d'une impressionnante splendeur, justifie cette désignation. De loin, des jardins de la Villa Cervelloni, au-dessus de Bellagio par exemple, on croirait voir ruisseler un torrent de lait sur le fond sombre de la falaise verdoyante. Pour utiliser la force motrice, quelques maisons se sont groupées là, flanquées presque toutes d'une grande roue à auge, mais elles ne s'activent que par intervalles. Le Fiume di Latte, écoulement d'un lac intérieur, ne jaillit qu'après une lourde tombée d'eau pluviale. Il obéit aux lois du siphon. Quand l'averse a élevé le niveau jusqu'à la hauteur d'une certaine fissure, tout le réservoir se vide. Il y faut 2 ou 3 jours, même après la cessation de la pluie. Ensuite, la cavité se remplit par des infiltrations jusqu'à ce qu'un orage, la faisant déborder à nouveau, précipite violemment son contenu au dehors. L'impétuosité de la chute et les aspérités du roc pulvérisent l'eau à ce point que de son issue hors de la montagne jusqu'au lac de Côme où il s'engloutit, le torrent n'est qu'un bouillonnement d'écume. De là, sa blancheur et son nom. Ce n'est pas pour aller revoir cette admirable curiosité naturelle que Jacques Ferneuil suivait la route, à cet endroit rendu presque ténébreuse par une immense rangée de sapins dominant le mur d'une propriété. Si telle avait été son intention, il aurait rebroussé chemin. Car le silence profond planant sur le village dont il approchait lui aurait appris déjà que le Fiume di Latte se trouvait à sec. Son lit de pierre, presque vertical, ne gardait pas une goutte d'eau. Nul écho ne restait de sa clameur furieuse. Muettes étaient les roues grinçantes que son élan devait faire tourner. Jacques ne s'inquiétait guère des caprices du torrent, et pourtant, ce qu'il poussait droit devant lui, c'était une force déchaînée et terrible, comme celle qui, à certaines heures, déroulait contre la montagne gémissante la fuite éperdue des eaux. Revenu en secret de Côme, malgré tous les serments faits en lui-même de ne pas revoir la jolie Véronica, il avait attendu la nuit pour aller rôder autour de sa demeure. Qu'espérait-il? N'avait-il pas quitté le pays une première fois lorsqu'il avait appris qu'elle était orpheline, qu'elle était sage, et qu'il jouerait un rôle abominable en essayant de séduire une enfant qu'il ne songeait pas à épouser? Toutes les raisons qu'il avait déterminées à partir brusquement subsistaient. Pourquoi se retrouvait-il sur cette route et marchant dans cette direction? Ah, pourquoi? Sinon, parce que la passion est parmi les forces de la nature une des plus désordonnées et des plus indomptables. Jacques Ferneuil, artiste parisien, n'avait pourtant pas des scrupules exagérés quant aux aventures d'amour, car son milieu, son éducation, ne le prédisposait guère à l'austérité. Cependant, sa loyauté foncière s'insurgeait ici. Chaque pas en avant lui causait un remords. Il y avait dans son sentiment quelque chose de profond qui n'allait pas sans un respect dont il s'étonnait comme d'un symptôme grave. Quand, 3 semaines plus tôt, il s'était installé à l'hôtel royal de Varena. Le jeune homme n'avait en tête aucune idée romanesque. Il comptait travailler, prendre des ébauches, esquisser des types pour son tableau destiné au prochain salon. Dans ses flâneries observatrices à travers les sites et les gens, il avait aperçu Véronica, une pauvre petite ouvrière en soie de Fiumelate, mais d'une beauté tellement émouvante qu'il en resta aussitôt bouleversé. D'abord, elle lui était apparue dans une ruelle du village, une de ces pittoresques ruelles grimpantes qui escaladent la montagne et où il avait installé son chevalet pour prendre un croquis. Elle revenait sans doute de puiser à la cascade un peu d'eau fraîche pour elle et ses compagnes d'atelier. Il la vit entrer, sa cruche de cuivre à l'épaule, par une porte restée large ouverte et devant laquelle il alla se poster bientôt. Le regard de l'artiste plongea dans une sorte de grange, abritant trois ou quatre métiers, que des femmes faisaient mouvoir du pied en lançant à la main la navette. On entendait chanter les ouvrières, et elles ne se retournaient même pas si des promeneurs étrangers s'arrêtaient au seuil, fascinés par leurs gestes agiles, leur voix fraîche, la grâce des bustes jeunes sous la grosse toile des chemisettes, et l'opulence agressive des chevelures noires érigées en casque luisant. Mais les autres, près de Véronica, semblaient de lourdes paysannes. Celle-là était fine comme une silhouette de frise pompéienne, avec la tête d'une madone de Bellini. En Jacques Ferneuil, ce fut le peintre qui d'abord s'enthousiasma. Il voulut faire le portrait de cet enfant, qui lui paraissait être dans sa 17e année, et dont la physionomie reflétait une candeur délicieuse. L'attendre, la suivre, l'aborder, ce furent des manœuvres élémentaires, qui, croyait-il, ne tireraient pas à conséquence. La petite, cependant, lui parut farouche. Elle ne savait que sourire et secouer la tête. Peut-être ne comprenait-elle pas le très passable italien « d'il signor Francese » et ne parlait-elle que le patois. Il observa toutefois aux joues délicates certaines rougeurs et dans les longs yeux veloutés certains regards languissants dont il s'autorisa pour penser que ses moustaches blondes et sa fringante tournure n'avaient pas produit trop mauvaise impression sur la ragazza. Un jour, il l'accompagna jusqu'à sa porte sans remarquer les figures effarées des voisins. Elle habitait la dernière maison au-dessus du village. On y grimpe par un sentier qui se termine deux pas plus loin, au bord de la crevasse où roule le torrent d'écume. Il s'y termine du moins quant aux communications humaines, car on peut le suivre encore un peu plus haut, jusqu'à un pont de bois jeté sur l'abîme où les touristes vont se poster pour s'impressionner du fracas, de la furie des eaux aspirées par le vide, recevoir la caresse piquante des éclaboussures et s'étourdir d'un vertige dans le vent et les embruns de la cataracte. Ferneuil avait cru deviner que Véronica demeurait seule, car elle n'était attendue par personne dans la rustique habitation. Mais lorsqu'il s'avisa de faire procéder à une enquête par le chasseur de l'hôtel royal, et qu'il prit cet homme pour interprète, afin de proposer à la ravissante italienne quelques séances de pose, d'ailleurs bien rétribuées, où il pourrait exécuter son portrait, la vérité lui apparut fâcheuse. La jeune ouvrière se trouvait sous la tutelle d'un homme redoutable qui ne badinerait pas s'il savait en péril la vertu de l'innocente. Il passait pour le caractère le plus brutal de toute cette région, ce qui n'est pas peu dire, car le sang est chaud et la vengeance prompte autour de ces lacs trop voluptueux, parmi ces montagnes trop sauvages, dans cette nature de contraste, enflammée comme la Sicile, plus secrète et accidentée que la Corse et hardie comme tous les pays de frontières. Véronica était la sœur de Matteo Nello, le douanier, un homme de 15 ans plus âgé qu'elle, de caractère rude et violent, qui donnait aux contrebandiers du fil à retordre. Ceux-ci n'étaient pas les seuls à avoir de lui une crainte salutaire. On n'eût pas rencontré tout autour du lac de Côme un gaillard assez audacieux pour compter fleurette à Véronica, autrement que pour le bon motif. Sa grande jeunesse et sa pauvreté n'en avaient pas encore laissé venir l'occasion. En attendant, le douanier, sauvagement ombrageux quant à l'honneur de sa sœur, et obligé par métier de la quitter souvent, prenait soin qu'on sût à la ronde sa façon de comprendre l'honnêteté familiale. À la première apparence de faute, cria-t-il, la jeune fille passerait, et son galant aussi. Nul ne doutait qu'il ne mît ses actes en accord avec ses paroles, pour peu qu'on lui a donné le prétexte. La beauté extraordinaire de Véronica ne pouvait prévaloir sous la terreur qu'inspirait son frère. Habituée à la prudente réserve que montraient autour d'elle les jeunes gens de son village. Peut-être la jeune fille avait-elle apprécié la bonne grâce un peu cavalière du séduisant étranger. Rêvait-elle de lui, là-haut, dans sa petite maison perchée sur la montagne, et qui, si souvent, tremblait au grondement des eaux? Jacques l'ignorait. On l'avait prévenu un jour que Matteo Nello, apprenant que sa sœur se laissait enjôler par un Français, les avait guettés à plusieurs reprises et tenus au bout de son fusil, prêt à faire feu au moindre geste tendre. Véronica, transportée à l'idée de se voir en peinture, avait innocemment demandé à son frère la permission de poser devant l'artiste. Une scène terrible en était résultée. L'Italien avait interprété au pire une pareille proposition. Tout était à craindre de ses soupçons en éveil. Devant une situation aussi ridicule que tragique, Verneuil s'était décidé à partir sans retour. Pour Véronica, il craignait Matteo. Pour lui-même, il craignait son propre cœur, car il commençait à s'éprendre d'autant plus en raison des difficultés. Il avait plié son chevalet, gratté sa palette, fait sa malle. Depuis 8 jours, il demeurait à Côme. Depuis 7, la fièvre d'amour incendiait son cerveau. Et quoi ? Lui, Jacques Verneuil, souffrait et déraisonnait à cause d'une petite ouvrière italienne. C'était absurde, incroyable. Pire que cela, c'était vilain et lâche. Il s'accusa, se tourna en dérision, lutta. Mais l'image gravée en sa mémoire, ce visage divin, avec les yeux sombres et doux, l'ovale parfait, la bouche adorable, et sur le front et la nuque si pure, cette mousse un peu dorée, des petits cheveux ourlant des épaisses torsades brunes, tout cela exerçait une hantise trop forte sur ses fibres d'homme et d'artiste. « Je la reverrai une fois, rien qu'une fois, » se dit-il. « J'irai ce soir, pendant que son frère sera de service. Je me glisserai jusqu'à sa maisonnette. Elle viendra me parler, comme elle a déjà fait, par-dessus la clôture du jardin. Je n'entrerai même pas. Et demain, en route pour Paris. Il faudra bien alors que je guérisse. Car enfin, que diraient mes parents si je leur ramenais pour Breux ? Une petite paysanne lombarde eut-elle la beauté, la modestie et la distinction naturelle de cette adorable Véronica ? Jacques Verneuil hâta le pas. Il quitta la route, commença d'escalader un sentier. Comme cela, pensait-il, je ne passerai pas par le village. Nul ne pourra faire de racontard à cette brute de douanier. Pour rien au monde, je ne voudrais exposer cette pauvre enfant aux représailles d'un tel homme. S'il me savait ici, jamais il ne voudrait croire que sa sœur est tout à fait innocente de ma présence, qu'elle l'ignore, qu'elle s'en fâchera peut-être. Il approchait, rêvant et songeant. Se fâchera-t-elle ? Bon, elle me pardonnera bien vite quand elle saura que c'est un adieu. Un adieu, quel dommage. Ces beaux yeux-là ne me voulaient pas de mal. Ces douces lèvres. Un saisissement de foudre vint interrompre la songerie tentatrice. Ce fut si rapide que Jacques ne comprit pas. Et pourtant, il restait là, debout dans la nuit, figé par une impression extraordinaire. Voyons, qu'est-ce qui le prenait ? Il était brave, cependant. D'où venait l'hallucination dont son esprit gardait le choc ? Peut-être un éclair. Le ciel commençait à se couvrir. Toutefois, nul roulement de tonnerre ne suivit. Une soudaine et intense lumière venait d'illuminer la montagne, d'envelopper Jacques, puis de s'éteindre. Distinctement, à 100 pas de lui, il avait vu la maison des Nello. Mais main croisée, il avait cru reconnaître la tête penchée de Véronica. Est-ce que sa folie amoureuse allait jusqu'à troubler les perceptions de ses sens ? Déconcerté, le peintre se tourna du côté du lac, interrogea l'aspect des éléments. Ce qu'il vit le remplit d'inquiétude. À travers le paysage baigné de nuit, un étrange rayon se mouvait. Un pinceau d'intense clarté, qui en apparence émanait du promontoire de Bellagio, allait s'élargissant dans l'atmosphère noire, qu'il rendait plus noir encore. Cela fusait dans la longueur du lac, suscitant des visions de voiles aussitôt évanouies. Puis brusquement cela virait. Le faisceau d'argent, dardé contre la rive, contre les falaises, faisait surgir la blancheur des habitations, les anfractuosités rocheuses de la côte, ou les croupes veloutées de sapins dont les fins reliefs apparaissaient avec une netteté prodigieuse. « La Finanzata, le bateau de la finance, » murmura Jacques. Ces termes locaux lui revenaient d'après les explications d'un garçon d'hôtel à Lugano, où il avait séjourné avant de se fixer à Varena. Sur le lac de Côme, il n'avait pas encore vu fonctionner cet appareil de la douane italienne. Une embarcation qui affecte en petit la forme d'un torpilleur se pose sur un certain point du lac et de là fait évoluer un puissant projecteur électrique. Le rayon lumineux, fouillant les recoins de la rive, les replis des montagnes, mettent en évidence les manœuvres frauduleuses, des bateaux sans fanal, des muletiers chargés de fardeaux suspects, qui tâchent de franchir la frontière suisse sans éveiller l'attention. Cette frontière, qui ondule sur les eaux et se suspend sur les crêtes, échapperait à toute surveillance possible, sans cet ingénieux moyen. Dès que la clarté dénonciatrice a révélé quelques manigances équivoques, un canot bien armé, toujours prêt d'ailleurs, se détache du pseudo-torpilleur de la douane, ou bien un signal s'envole vers un poste des hauteurs et les coupables sont aussitôt poursuivis. Point n'est besoin parfois de les atteindre, beaucoup s'effarant dans l'implacable clarté qui, les ayant découverts, se fixe sur eux, abandonne leur ballot dans le sentier ou le précipite au fond du lac, de façon à ne point être pincé en flagrant délit par ceux qui leur donnent la chasse. En ce moment, Jacques Verneuil, le correct parisien, se sentait l'âme effarouchée d'un de ces outlaws. N'osant plus faire un pas, ni en avant ni en arrière, il observait la longue blancheur étincelante. Vive et sournoise, elle s'écartait de certains points pour y retourner tout à coup en un jet foudroyant. Ces effets imprévus mettaient une fantasmagorie dans le paysage. Allait-elle revenir à lui? Quelle possibilité y avait-il pour qu'il fût reconnu du bateau? Le chef de ces douaniers devait être muni d'une forte lorgnette. Mais qui était-il? Nello portait des galons sur la manche. Si c'était lui, s'il allait le reconnaître. Pour tout autre, Jacques était un promeneur inoffensif. Mais pour le frère de Véronica, que faire? Redescendre sans avoir vu la jeune fille? Jacques ne pouvait s'y résoudre. D'ailleurs, le sentier où il se trouvait, fort découvert et dénudé contre le roc, n'offrait d'abri que très loin derrière lui. Tandis qu'en avant, la maison même de Nello le déromperait dans une minute à la vue des douaniers. Il commença donc à courir dans cette direction. Il n'avait pas fait 10 pas que du fond du lac, le rayon s'élança de son côté. La gerbe électrique balaya la montagne et Louis Verneuil le laissa aveugle, s'éloigna, puis revint et cette fois ne le quitta plus. Autour de lui, c'était d'une clarté plus intense que celle du jour. Il distingua les cailloux à ses pieds, des fleurettes sur l'âpre talus. Au-delà de cette zone, un mur d'obscurité. D'instinct, il se tourna vers le point d'où jaillissait la terrible lumière. Croyait-il reconnaître ceux qui l'épiaient? Ses paupières battirent, l'éclat fut insoutenable. Verneuil continua de marcher. Il essaya de réfléchir. Voyons, était-ce bien sa personne qu'on mettait ainsi en observation? Le champ lumineux ne l'éclairait pas seul. Mais il avait beau avancer, il ne parvenait pas à sortir. Est-ce que... Il précipita le pas. Horreur, le rayon s'attachait à lui. Le rayon le suivait. Chose dont on n'imagine pas l'angoisse. Marcher sur cette montagne devenue invisible, tout à coup dévorée de nuit, évaporée dans des ténèbres monstrueuses. Et soi-même, ruisselé d'une clarté surnaturelle, d'une clarté tenace, qui s'obstine, excessive comme un élément, artificieuse comme la méchanceté humaine. Jacques Verneuil comprit le découragement des contrebandiers, qui jettent leurs marchandises et se blottissent au premier trou. C'était un supplice matériel d'avancer dans ces conditions sur un chemin hasardeux, dont il ne distinguait rien au-delà de l'étincelant filet où il se trouvait pris. Cependant, il ne pensait qu'à une chose, ne pas compromettre Véronica. Dans ce but, rien n'était possible, sinon de continuer son chemin, en s'élevant tout de suite au-dessus de la maison, comme un touriste qui gagnerait le pont et la grotte du Fiume d'Illate. L'heure n'était guère vraisemblable pour une excursion de ce genre. Toutefois, certains guides du pays se vantent de pouvoir vous conduire jusqu'au lac intérieur quand le torrent est à sec, et cette promenade au flambeau dans une caverne ne réclame pas le grand jour. Un anglais excentrique préférait pour l'ascension la fraîcheur nocturne. Si Jacques était soupçonné sans être reconnu, il donnerait encore le change au frère par cette tactique. D'ailleurs, il n'avait pas le choix. Tout valait mieux que de redescendre maintenant vers le village en éveil, où le rayon têtu le montrerait à trop de regards avertis et malicieux. Pour éviter la maison de Nello, le pauvre amoureux, navré de sa sotte aventure, commença de grimper un peu au hasard, en risquant de se rompre le cou. Un étroit passage, entre deux carrés de vignes étayés de pierre, lui permit de s'élever au-dessus de la demeure interdite. À un moment, il se rendit compte qu'il la laissait en bas, sur sa droite, car de ce côté, il remarqua un trou d'ombre où il aurait pu se réfugier à l'abri de l'infernal éclairage. Il s'en garda bien. Cette ombre était celle de la maisonnette. Le rayon se brisait là. Mais le fait que Jacques ne se trouvait pas dans le cône obscur et restait en vue de ses poursuivants rassurait sans doute, au moins sur ses intentions immédiates, la frénésie soupçonneuse qui le guettait de l'abîme, qui le guettait avec cet effrayant œil de lumière. C'était ce qu'il voulait. Il respira un instant. Un peu plus calme, Il eut le loisir d'écouter son cœur. La palpitation de sa poitrine ne venait pas de l'essoufflement, mais se sentir si près de Véronica. Pour le très jeune homme qui était Ferneuil, les émotions de cette soirée formaient un aiguillon de plus. Si les menaces mortelles de Nello n'avaient visé que lui, il vite renonçait à toute prudence. Son regard descendit vers le mystère d'obscurité où se dérobait son rêve. Aveuglé de clarté, il n'y pouvait rien voir, mais elle, Véronica, le voyait. Sûrement la pauvre petite, alarmée par le manège bizarre du projecteur, en avait promptement cherché et trouvé la cause. Que pensait-elle? Tremblait-elle? Pour elle-même? Pour lui? Du moins elle savait maintenant qu'il n'avait pas pu l'oublier. Mais pourquoi ne pas lui parler? Les plus puissantes lorgnettes marines ne percevaient pas le mouvement de ses lèvres. À tout hasard, il jeta ce cri. « Véronica !» Il crut entendre une supplication, une voix de douleur, rossie plaintive, hors de l'espace indiscernable, de la nuit chimérique, et dont il tressaillit étrangement dans sa fulgurante solitude. Un seul mot lui parvint. « Mourir !» Tout son être tressaillit étrangement. À quelle prière désespérée se rattachaient les syllabes lugubres « Mourir !»« Mourir !» Une angoisse passionnée souleva le jeune homme. Il repartit en toute hâte, rejoignit le sentier qui remontait le lit du torrent, atteignit le pont de bois, passa sur l'autre rive. La lumière le suivait toujours. Malgré sa mâle et solide jeunesse, la fatigue, l'énervement le gagnaient. Tout était surprise ou piège dans cette course, où il ne voyait rien au-delà de quelques mètres. Qui sait s'il n'allait pas tomber dans un guet-apens? Un signal éloigna leurs camarades de quelques postes voisins, et ils verraient surgir des gens fort mal disposés. Matteo Nello les rejoindrait vite. Et alors? Le mot lugubre, jeté par Véronica, n'était-ce pas un avertissement? Pour ajouter à son trouble, une chute de grêle l'assaillit tout à coup. Des nuages s'étaient amassés depuis qu'il ne voyait plus le ciel. Les hachures vives des grêlons dans la lueur blanche et leur cinglement sur son visage achevèrent de l'abasourdir. Par bonheur, à ce moment même, un refuge s'ouvrit devant lui. L'entrée d'une grotte, un peu plus élevée qu'une stature d'homme. Jacques y pénétra, s'assit sur une saillie de roche. Enfin il retrouvait la nuit bienfaisante. Il échappait à la diabolique clarté. Celle-ci s'arrêta au seuil. Y restera-t-elle jusqu'à ce qu'il sortît? Qu'importe. Le soulagement immédiat fut tel qu'il ne s'inquiéta plus de rien. D'un coup d'œil, il explora sa retraite. Le reflet lumineux y pénétrait assez pour lui montrer une voûte intérieure plus haute que l'excavation apparente. Cette voûte s'enfonçait dans les profondeurs de la montagne. « Bon, se dit Jacques, le sol est sec. Au besoin, je puis m'étendre et faire un somme. Attendons, et à la grâce de Dieu. Nous verrons qui sera le plus têtu de cette dernière lumière ou de moi. » À cette minute précise, un canot accostait au port minuscule de Fiumelate. Un homme sautait à terre et disait au rameur « Retournez au bateau et qu'on maintienne le projecteur en place jusqu'à ce que je fasse le signal. Ne vous inquiétez pas de moi. Je prendrai un camarade en passant, car le gaillard est dangereux. Je l'ai bien reconnu. C'est le pire contrebandier de l'écho à Cabena. » Sans attendre la réponse de ces hommes, sans écouter les questions de quelques curieux accourus vers la berge, le brigadier Nello s'élança dans la ruelle qui montait vers sa demeure. Au-dessus du village endormi, une longue traînée étincelante et bleuâtre coupait l'atmosphère nocturne. Ce n'était ni la voie lactée ni la chevelure d'une énorme comète. Car le ciel s'était couvert. De lourds nuages voilaient les astres. Des grondements de plus en plus rapprochés annonçaient l'orage et la grêle commençait à tomber. Là-haut, dans la maisonnette perchée sur le roc, une jeune voix ensommeillée demanda « Qui va là? Est-ce toi, frère? Je ne t'attendais qu'au matin. » Une rapide escalade ébranlait les marches. Les portes retombaient avec fracas. Une allumette pétilla. Le brun visage rude, la silhouette nerveuse du douanier parurent. « Lève-toi, Nika !» ordonna-t-il. « Qu'as-tu? Pourquoi se taire? Tu me fais peur, Théo. » « Il y a déjà un moment que tu as peur ?» ricana son frère, lui mettant tout près du visage une lampe en cuivre de forme antique. « Tu es bien pâle, Nika. N'as-tu pas vu le rayon du projecteur sur la montagne et le gibier qui l'éclairait ?»« Ce pauvre diable que vous observiez. Mais si, il n'avait pas le plus petit paquet de marchandises. Un contrebandier de peu d'importance, bien sûr. Vraiment ?» Il croisait les bras. Il la regardait avec une ironique férocité. L'image délicieuse qu'elle offrait, loin de toucher Nello en ce moment, ne faisait qu'exaspérer sa fureur. La fine créature était trop délicatement belle pour épouser un rustre et rester au village. L'idée qu'elle pensait échapper à sa surveillance, fuir peut-être avec le séducteur, et que cette petite sœur chérie, l'aigle sacré de ses parents, deviendrait une créature hasardeuse, dont on ne prononcerait plus le nom dans le pays sans dédain et sans risée, le rendait fou. Pour la première fois aussi, sur les traits ingénus, il découvrait l'effort du mensonge. Bien qu'elle fût pure, Véronica n'osait pas dire la vérité. Un mystère s'était glissé dans son âme. Pour ce mystère, elle craignait, plus encore que pour sa propre vie. Vêtue à la hâte, un petit châle rouge sur les épaules, elle questionna timidement. « Que dois-je faire? Où veux-tu me conduire ?» Puis dans l'espoir d'une diversion. « Ce n'est pas pour aller dehors? Écoute, quel orage! Entends-tu ce bruit contre les vitres ?»« Certes, » dit Mathéo. « Un bruit charmant pour moi. La grêle et la pluie vont déchaîner les eaux de la montagne. Il faudra bien que ton gredin de Française sorte de la grotte pour recevoir le coup de fusil que je lui enverrai de la fenêtre. Viens voir !»« Tu ne feras pas cela, Théo, tu ne feras pas cela !» cria éperdument Véronica. « C'est donc bien lui, » Ruginello, en la prenant rudement au poignet. « Ah, c'est lui. Je n'en étais pas sûr. Et tu l'attendais, coquine. Tu lui avais donné rendez-vous. Ici, dans la maison où sont morts nos parents. Diavolo. Avec mon service qui me tient loin toute la nuit, vous étiez bien tranquille. » Il ne s'arrêta pas d'autres explications et repoussa violemment sa sœur qui protestait, le suppliant d'écouter. La rage du douanier affectait une espèce de calme terrible. Dans son visage, d'une énergie farouche, ses yeux noirs prenaient une expression meurtrière. Véronica, épouvantée, sentait l'impuissance des paroles et des sanglots. L'homme, cependant, la traîna jusqu'à une croisée qui donnait sur la montagne. Comme il touchait l'espagnolette, il se tourna, plus ivre de colère encore. « Ah ! Tu n'avais pas eu le temps de la fermer. Tu l'as seulement poussée en m'entendant venir. N'iras-tu encore que tu étais là, à suivre amoureusement des yeux ce bandit, ce voleur d'honneur ?» Véronica se taisait maintenant, défaillante. Mais ce qu'elle aperçut lorsque la fenêtre fut ouverte la redressa dans une anxiété folle. Le rayon électrique rendait visible comme en plein jour, à très peu de distance en ligne droite, l'ouverture de la caverne. Et de cette ouverture commençait à jaillir ce qui n'était encore qu'un ruisseau, ce qui allait devenir une cataracte bouillonnante presque instantanément. Elle avait la certitude, pour l'avoir observé mille fois, que cela se passait ainsi. Lorsqu'une ondée comme celle qui tombait encore avait amorcé le siphon naturel, tout le lac intérieur montait, refoulé par la pression atmosphérique. L'étranger, caché là, ne pouvait pas savoir, ne croirait qu'à une crue progressive en rapport avec l'averse déjà ralentie, pensait avoir le loisir de s'échapper. Or, le joli Français, à la moustache blonde, aux yeux câlins, n'avait pas quitté sa retraite, puisque la terrible lumière était encore là. Cependant, Matteo Nello ajustait son fusil. « Je le tiens, » gronda-t-il. « L'eau ou le pruneau de plomb, faudra bien qu'il y passe. » Et comme le torrent s'enflait, prenait une magnificence fantastique dans la projection éblouissante. « Sors donc, canaille, que ce soit moi et non le Fiume qui te fasse ton affaire. » Un mugissement grossit de seconde en seconde étouffa la voix forcenée. Le phénomène s'accomplissait une fois de plus. La montagne vomissait son onde furieuse. Maintenant, la gueule sombre qu'elle ouvrait dans le roc s'étranglait plus d'à moitié par l'emportement des eaux. Si l'homme était encore là, comment résisterait-il à l'aspiration formidable de cette masse liquide? Il en avait certainement jusqu'à la ceinture. Encore un instant, il en aurait jusqu'aux épaules. Une exclamation déchirante, échappée à Véronica, fit tressaillir Mathéo lui-même. L'instant fut tragique et lugubre. Une forme humaine, rendue spectrale par l'enveloppement de toutes ses fulgurances et de ses blancheurs, par les reflets d'électricité, d'écume, de pluie, surgissait du trou noir, glissait, hésitante vers l'ouverture. Apparition brouillée, émergeant de la vague neigeuse, à peine discernable. Fantôme indistinct, cramponné au rocher. Était-ce bien vivant? Comment ne s'élançait-il pas hors de l'enfer liquide? N'en avait-il déjà plus la possibilité ou la force? Au lieu de s'avancer, cette vision sembla chanceler en arrière. Mathéo, qui avait épaulé, pressa la détente. Pas assez vite. Sa sœur se jeta sur le fusil qui dévia. Le coup partit au hasard contre la montagne qui repoussa dédaigneusement le plan chétif, pendant qu'un léger corps, frappé d'un poing brutal, roulait sur le plancher privé de sentiments. Lorsque Véronica reprit connaissance, elle était étendue sur son lit. La lampe de cuivre, au galbe antique, luisait paisiblement. Nello, assis, les mains entre ses genoux, poursuivait une rêverie sombre. « Nika, celui qui voulait te perdre n'est plus. Si tu écoutes jamais un autre enjôleur, c'est toi que je tuerai. Tiens-toi pour averti. » Égarée, elle se dressa, voulut savoir. Son frère la conduisit à la même fenêtre. La montagne était couverte d'obscurité. Le flamboyant cauchemar n'existait plus. Le rayon électrique poursuivait ailleurs les fraudeurs de la loi. Mais, sous le reflet pâle des nuages, on voyait se dérouler la splendeur du torrent d'écume, cette longue chute argentée et frémissante dont l'impétuosité secouait les airs d'un fracas monotone. Il n'a pas reparu. Le Fiume s'est chargé de lui, fit Matteo d'une voix sourde. Un mois plus tard, on célébrait à Bellagio la fête des paniers, d'une poésie à la fois catholique et païenne. De tous les villages voisins, les fidèles étaient accourus. D'abord, ce fut la procession. Une vierge, au visage de cire, diadémée de clinquants, vêtue d'étoffes pailletées d'étoiles, entourée du clergé, précédée d'un orphéon étonnamment travesti, frac brodé, bicorne à plumes, promena par les ruelles dévotes et devant la somptueuse ironie des hôtels chics, son mystère ingénu. Dans l'ombre du dais à franges, des clartés jouaient sur son visage, reflet du lac palpitant sous la lumière, ou reflet peut-être des milliers de regards qui s'étaient élevés vers son sourire depuis tant de saisons. À sa suite, marchaient des jeunes filles. Un long voile de mousseline, tombant en arrière, donnait une grâce religieuse à leur costume rustique. Véronique Anello s'avançait parmi elles. Sa beauté fit courir un murmure d'admiration au long de cette haie curieuse et gracieuse que formaient les élégantes étrangères. Quel tableau pour l'œil d'un artiste et surtout dans un tel décor. Mais quand cet artiste est un amoureux, à peine sauvé d'un péril mortel encouru pour celle qu'il aime, et quand celle qu'il aime lui apparaît comme la merveille de cette scène impressionnante, ce ne sont plus seulement les yeux, c'est toute l'âme qui s'extasie. Jacques Ferneuil, échappé au Fiume di Latte, était resté 3 semaines sur un lit de maladie. 100 fois dans son délire, il avait revécu la terrible minute où, voyant Matteo à la fenêtre, près de sa sœur, et craignant sa violence pour la jeune fille, il s'était rejeté en arrière dans la furie du torrent. La mort, il l'acceptait. Pourtant, une anfractuosité du rocher s'offrit, où il parvint à se hisser, et il demeura là, cramponné, à demi hors d'atteinte du flot, prêt à se laisser choir de fatigue à tout instant. Ce que furent ses heures, il ne pouvait y croire ensuite, ni savoir au juste comment il avait pu braver le torrent et sortir, lorsqu'enfin Matteo, le supposant englouti depuis longtemps, donna le signal pour détourner le projecteur. Véronica, les paupières baissées, marchait en tête de ses compagnes. Une force lui fit lever les yeux. Elle rencontra ceux de Jacques. Il vivait donc. Un émoi foudroyant la rendit plus pâle que son voile de mousseline. Puis, un éclat de félicité fit resplendir son charmant visage. Elle ramena son regard vers l'image mouvante de la Vierge et ensuite vers la terre. On ne vit plus que la blancheur des voiles, elle avait passé. Un moment plus tard, ils se revirent. C'était sur la place de l'église. Véronica ne portait plus son voile de la procession. Elle tenait dans ses mains une corbeille remplie de grenades et d'œillets. Autour d'elle, enfants, jeunes filles, femmes, vieillards même, chargés de ces paniers qui donnent leur nom à la fête et que remplissent des fleurs, des fruits, des gâteaux, des oiseaux vivants, se préparaient à offrir les dons de la terre à la Madone. Un à un, ils allaient traverser le sanctuaire et recevoir la bénédiction du prêtre. Ensuite, les paniers seraient vendus aux enchères pour les besoins de la paroisse. « Véronica, murmurait Jacques, si vous le voulez, nous serons unis pour toujours. » « Mon frère m'a dit, soupira la jeune fille, qu'un artiste français n'épouserait pas une petite paysanne italienne. « Connaissez-vous, demanda le jeune homme, cette coutume de votre pays ?» Quand deux fiancés, sous la bénédiction du prêtre, prononcent les mots « Tu es ma femme » et « Toi, mon mari », pourvu que deux témoins les entendent, ils sont mariés indissolublement. « Sicuro !» fit-elle étonnée. « Voulez-vous prononcer ces paroles avec moi tout à l'heure, à haute voix, dans vos l'hôtel, au milieu de cette foule qui nous entourera ?» Les admirables yeux de Véronica répondirent. Quand le cortège se mit en marche, les spectateurs sourirent de voir, à côté de cette fille ravissante, le jeune peintre français, dont le nom commençait à circuler de bouche en bouche et qui s'avançait, rayonnant, parmi les porteurs de corbeilles. Un instant après, lorsque le prêtre leva sur eux les bras, en prononçant la bénédiction rituelle, on entendit par toute l'église une voix masculine et vibrante. « Tu sei la mia sposa !» Et une claire voix, tremblante d'émotion et de bonheur, « Tu sei mio marito !» Le prêtre, surpris, n'avait pas abaissé les bras. Suivant la loi italienne, Véronique Anello était l'épouse légitime de Jacques Fernaille. « Maintenant, dit le jeune homme, glissant la main de sa femme sous son bras, allons retrouver notre frère Matteo. » Et radieux, le beau couple sortit de l'église. Véronica tenait encore dans ses mains sa corbeille de grenade et d'œillet. Une longue acclamation monta. C'était l'amour, salué sur cette terre d'amour. Le sourire même des sceptiques étrangers s'éteignit pensivement aux lèvres frémissantes. Toutes les femmes eurent aux yeux des larmes, celles qui portaient la coiffe de toile, le fichu jaune et le cotillon rouge. Et les autres aussi, les lointaines, qui venaient sur ce lac enchanté, chercher le rêve, l'aventure ou l'oubli. Ainsi s'achève Le torrent d'écume par Daniel Le Sueur.